Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Usangane, merci pour votre fidélité. Bienvenue à l'écoute de ce journal, en voici l'articulation. Une femme et sa fillette ont été tuées à Gisanze, en commune Negasho de la province Muyinga, la nuit de ce vendredi. Trois présumés auteurs sont déjà arrêtés selon l'administration provinciale de Muyinga. Le premier ministre burundais Alain Guillaume Wunyoni a indiqué ce vendredi que son gouvernement compte opérationnaliser l'académie Rondi, vous l'entendrez dans ce journal. Et le Burundi a accordé le statut de réfugié à plus de 200 familles en provenance de la RDC pendant les trois derniers mois. Et comme à l'accoutumée, tous les samedis, après ce journal, je vais céder le micro à Elini Beni Bigira et Jean-Bosco Ndimana pour vous présenter la revue de la presse. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Sécurité pour commencer ce journal. Une femme connue sous le nom de Janine Kabagabigwa et sa fillette ont été tuées par des malfaiteurs non identifiés la nuit de ce vendredi à samedi à Gisanze de la commune Gachoro en province Muyinga, dans la localité communément appelée Kumudzingi. Selon les informations en provenance de cette localité, l'incident s'est passé vers 21h30. Ces bourreaux ont trouvé les deux victimes dans leur maison, ont commis le forfait et se sont volatilisés. Le gouverneur Jean-Claude Barutkwanayo de Muyinga confirme les faits et indique que trois présumés auteurs ont été appréhendés pour des raisons d'enquête. Société à présent, 29 convois des réfugiés composés de plus de 5800 personnes ont été reçus depuis le mois d'octobre jusqu'à décembre de l'année en cours. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire ce vendredi lors de la présentation des réalisations de son ministère pour le deuxième trimestre de l'exercice budgétaire 2021-2022. Gervain Dira Kobucha a précisé que depuis octobre, le Burundi a déjà octroyé le statut de réfugié à 235 familles en provenance de la République démocratique du Congo. Je propose de le suivre. Des convois composés de 5 851 ont été accueillis et tous les ménages ont reçu une assistance en matériel divers. Une mission de sensibilisation pour le retour a été effectuée à la République démocratique du Congo. Les réunions pour la cohésion sociale ont été tenues dans les communes de Bugabira, Busoni, Bwambarangwe, Chibitoki, Kirundo et Nega. 2000 enfants nés dans les camps de réfugiés ont été identifiés dans les communes de Dianga, Mutimbuzi, Buganda, Rumonge, Bugendana, Nega, Gihogazi, Mishiha, Gisagara et Chindajuru. 200 couples de rapatriés et à contracter au mariage dans les camps ont légalisé des unions libres. Depuis le 1er octobre 2021 jusqu'à nos jours, le Burundi a déjà octroyé le statut de réfugié à 235 familles composées de 5072 individus en provenance de la République démocratique du Congo. Le ministre Ndira Kobucha a ajouté qu'un site de relocalisation des victimes des inondations a été identifié à Gakungu en commune Kabedzi. Suivez encore une fois le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Gervais Ndira Kobucha. L'élaboration d'emplois de contingence provinciale de la province de Kayanza, l'élaboration de l'emplois de contingence communaux des communes de Dava, Kayokwe, Gisozi, Misoro, Muruta, Kabarole, Rusaka, Nyabihanga et Kiganda. La formation sur le système de gestion des données spatiales de 30 cadres et 12 candidats de protection civile, des bureaux de la centralisation géomatique, de l'IGEBO, de l'ISABO, du ministère de l'Éducation, de l'IEM et du CEPIC ont été formés. Une réunion du groupe de travail sur la réduction des risques et catastrophes pour l'adaptation au changement climatique ont été tenue à Bujumbura. Ensuite, la localisation des victimes d'inondations a été identifiée à Gakungwe, en commune Kabedzi. Un atelier d'identification de l'AREA, glissement de terrain au Burundi, a été organisé. Le plan d'action 2022-2025 pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des risques et catastrophes 2018-2025 a été élaboré. Éducation à présent, l'Organisation des États généraux de l'éducation figure parmi les activités du gouvernement exercice 2021-2022. Déclaration du Premier ministre ce vendredi lors de la présentation du rapport du plan d'action du gouvernement burundais devant les deux chambres du Parlement. Alain Guillaume-Bugnoni indique en outre que les travaux d'opérationnalisation de l'Académie Rundi vont avoir lieu. Suivez-le, il est traduit en français par Jean-Doudier Irakode. La première activité importante est l'organisation des États généraux de l'éducation. Figure aussi dans les priorités l'octroi du prêt bourse aux étudiants. Il y a aussi l'appui à la restauration pour les internes, la recherche des équipements nécessaires des écoles, mais également veiller à ce que les filières, sections répondent aux besoins du pays pour que les élèves étudiants soient orientés dans les filières et sections utiles, quitte à ce que nous ayons les experts dans les domaines que nous avons plus besoin. L'autre activité qui retient notre attention est l'opérationnalisation de l'Académie Rundi pour que le Kirundi ait sa place, soit utilisé et interprété au niveau international et qu'il y ait en outre des travaux de recherche sur cette langue, car nous savons que c'est une langue riche, mais qui pourrait disparaître progressivement si nous ne restons pas vigilants. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h03, poursuivons cette édition. Renforcer la coopération entre la Chine et la Fédération des Nations des Personnes Handicapées du Burundi est le but d'une visite effectuée l'après-midi de ce vendredi par l'ambassadeur de la Chine au Burundi, Zhao Jinping, au siège de cette fédération située à Djabé. Une aide composée de vivres et des ballons de volleyball, basketball au nombre de 40 a été donnée aux représentants de cette fédération. L'ambassadeur de la Chine au Burundi a dit que la Chine compte soutenir les activités de la Fédération paralympique des personnes vivant avec handicap. Suivez l'ambassadeur de la Chine au Burundi, Zhao Jinping. C'est pour moi un grand plaisir pour participer à cette cérémonie de mise de dons, de nourriture et aussi quelques ballons. Pour votre fédération. Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre travail qui regroupe toutes les personnes handicapées pour les aider aux accès des soins médicaux, de l'accès à l'éducation et la société du Burundi. Et aussi, je sais, pour le comité paralympique, il y a des sportifs qui ont participé aux Jeux des paralympiques. Entre la Chine et le Burundi, nous avons une coopération fructueuse dans le secteur de l'éducation, de la santé publique, aussi des infrastructures. Le gouvernement chinois a donné pendant 3 ans consécutifs des aides alimentaires urgentes au gouvernement burundais pour aider les personnes sinistrés à surmonter leurs difficultés. Comme le dit son Excellence le Président Ndayishimiye, il ne laisse jamais personne derrière. C'est pourquoi je crois notre ambassade est disposée à travailler avec votre fédération, votre comité paralympique et aussi avec les amis burundais pour construire un avenir partagé. C'était l'ambassadeur de la Chine au Burundi. Et l'agence burundaise de presse ABP a organisé ce vendredi une exposition photo prise datant de longtemps pour aider la jeunesse burundaise à connaître leur patrie. Nicolas Baradjingwa, directeur général de cette agence, souhaite que ces photos soient traitées dans le système numérique pour être bien conservées. Suivez-le. L'ABP est en possession d'une quantité impressionnante de riches photos d'archives analogiques qui constituent le patrimoine du Burundi. Ces photos relatent la vie nationale dans tous les secteurs depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Malheureusement, elles risquent de disparaître car elles sont conservées de façon archaïque, ce qui les expose au vol, à la poussière, à la détérioration de leur qualité et à la perte des légendes. L'ABP a ainsi besoin d'un financement pour bien les conserver, suivre l'évolution de la technologie et entrer dans le monde moderne de la numérisation. La numérisation est spécialement requise pour la conservation de ses archives photographiques, quitte à les transformer en images du système numérique, faciles à conserver et à consulter pour l'intérêt des générations actuelles et futures. Avec la numérisation de ces photos, la BP deviendrait ainsi un centre de documentation moderne avec des produits vendables. Par cette exposition photo, la BP veut valoriser ses archives photographiques et stimuler les bailleurs qui pourraient financer la numérisation de ces photos pour une bonne conservation. Un centre d'archives photo numériques équipé et opérationnel est plus que nécessaire du moment que le service photo d'archives de la BP est une véritable référence nationale de l'histoire du Burundi. Actualité internationale. Hors de nos frontières en Guinée, le colonel et le chef de la junte au pouvoir, Mamadi Doumbouya, a décidé de rebaptiser l'aéroport international de Conakry du nom de l'ancien président Ahmed Sékou Touré, une initiative diversement appréciée dans le pays car le père de l'indépendance s'est aussi rendu coupable de nombreuses exactions, lit-on sur RFI. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à El Kadogo pour la mise en note. Moïse Misago, j'étais à sa présentation. Je cède le micro à Jean-Bosco Ndouimana et Lini Benibigila pour vous présenter la revue de la presse. Gardez l'écoute. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Après bientôt 6 mois que le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a posé la première pierre pour la construction du centre sportif de haut niveau à Muyang et en commune Mugamba de la province de Bururi, il est encore à l'étape des fondations, constate Iwachu, qui trouve que les travaux sont à l'arrêt puisque peu de matériaux de construction sont visibles sur les lieux. Des piliers en béton non achevés sont quand même visibles. Les eaux des pluies continuent d'emporter la terre creusée long du terrassement. Un grand réservoir est aussi visible sur le chantier. L'athlète burundaise championne du monde Francine Niyonsaba commente dans les colonnes de cet hebdomadaire en disant que si 6 mois s'écoulent sans que quelque chose d'important soit fait, cela constitue un mauvais début pour un excellent projet qui est d'une grande utilité pour les jeunes Burundais. Le journal Iwachu précise enfin que le centre coûtera une somme estimée à 4 milliards de francs burundais. L'agence burundaise de presse rapporte que l'expert en éducation aux médias, exerçant pour le compte du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Blaise Pascal Anzongo, a appelé mardi 14 décembre 2021 les leaders des organisations des jeunes à plus de prudence dans les pratiques de consommation, de production, de diffusion des informations à travers les médias sociaux et l'Internet. C'était à l'occasion de la deuxième journée d'une session de formation sur l'éducation aux médias sociaux qui se tenait à Bujumbura depuis lundi 13 décembre. Partant du postulat que l'information sauve et que la désinformation tue, écrit toujours l'ABP, Azongo invite plutôt les leaders des organisations des jeunes à réfléchir sur l'utilisation de l'information, la véracité de ses sources, avant de la partager avec les communautés. Selon cet expert, toujours dans les colonnes de ce quotidien, ce réflexe permettra à la jeunesse burundaise d'éviter de se laisser embarquer ou endoctriner par certaines idéologies et de ne pas tomber dans le piège de la désinformation ou des discours de haine. Par ailleurs, il a fait remarquer que les messages de haine sont parfois diffusés par manque de compétences d'analyse critique. L'expert de l'UNESCO nourrit donc l'espoir que cette formation va déboucher sur de bons résultats, comme ça a été le cas pour certains pays où cette formation a eu lieu, en l'occurrence le Cameroun, le Nigeria, le Burkina Faso ou le Kenya. Il témoigne, relève encore l'ABP, que dans ces pays, les jeunes éduqués aux médias sociaux et à l'information gèrent de plus en plus avec prudence les informations qui sont diffusées via l'Internet et les médias sociaux et dénoncent des messages haineux ainsi que la désinformation. Revue de la presse. Le Burundi se dote d'une cartographie multirisque, signale le journal Burundi Echo. En effet, mardi 14 décembre 2021, l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, a remis au ministère en charge de la sécurité publique une cartographie multirisque du Burundi qui va contribuer à la consolidation du système de gestion des risques de catastrophe dans les 119 communes des 18 provinces du pays. Vijaya Suri, chef de mission de l'OIM au Burundi, précise dans les colonnes de son journal que cette cartographie multirisque va permettre de comprendre les zones géographiques et spécifiques du pays qui sont exposées aux risques de catastrophes en donnant des informations sur de probables menaces liées aux pluies torrentielles, aux vents violents, aux glissements de terrain, aux inondations ou aux tremblements de terre. La cartographie multirisque s'inscrit dans le cadre du projet Tuberoneza qui est mise en œuvre par l'OIM et financée à hauteur de 121 millions d'euros par l'Union européenne, relève encore cet hebdomadaire socio-économique. Un arbitre professionnel burundais dans la CAN 2022 révèle Net Press, qui trouve que c'est une bonne nouvelle pour les amateurs du ballon rond burundais. En effet, précise son confrère en ligne, il s'agit de Pacifique Ndabihawe Nimana, qui vient d'être désigné par la Confédération africaine de football CAF, pour être parmi les 24 arbitres qui officieront les matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Cameroun. Net Press note aussi que Pacifique Ndabihawe Nimana et son compatriote arbitre, également international, Georges Gato, ont été sélectionnés pour effectuer un stage sur l'utilisation du VAR, Video Assistance Referee, qui s'est déroulé au Maroc du 10 au 14 mars 2021, afin d'être outillé à la toute première utilisation du VAR lors de la prochaine CAN 2022. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Eli Nibel Nibigira et Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.